vous laisse clôturer la journée. Merci pour votre patience, votre écoute. Merci d'être aussi nombreux sur ce sujet. Ça fait du bien de voir un territoire avec autant de citoyens qui se questionnent sur l'eau. Et je passe la main au collectif pour clôturer. Voilà. Alors, merci vraiment à tous les intervenants, à l'animatrice Nelly Ponce, qui a quand même fait preuve de constance et de courage. Voilà. Et qui a fait en sorte de respecter le timing. Voilà, alors vraiment applaudissez là. Voilà. Bon, ceci... Pardon. Applaudir, il faut l'applaudir. Voilà. Une fois que j'ai remercié Nelly et tout ça, je voudrais vous dire aussi que vous avez, grâce à vous, et on compte sur vous, vous êtes ici, chacun, légitime d'être là. Vous savez, vous êtes plein d'eau. Et ce que je voudrais, c'est que vous soyez impliqués. Là, vous étiez concernés, là, vous êtes venus. Il faut vous impliquer. C'est l'histoire de l'omelette au lard, vous savez. La poule est concernée, écoutez bien, mais le porc, lui, est impliqué. Et là, avec tout ce qu'on a entendu, on est impliqué dans le problème de l'eau. Donc, il faudrait que vous fassiez quelque chose pour éviter un destin funeste. Parce que c'est une histoire de survie. Hein. Mais je le dis en riant, hein, bien entendu, vous avez bien compris. Dans vos programmes, vous avez aussi des fiches d'évaluation. Alors, nous, on compte sur vous pour que vous les remplissiez. Pourquoi ? Parce que déjà, ce forum, il est différent du premier et différent du second. Parce que, incroyable, nous, on s'applique ça. On tient en compte ce que vous dites, sans rire. On essaye de faire attention, donc si vous nous faites des remarques, eh ben, on en tiendra compte et on compte sur vous pour le faire. Vous avez aussi en sortie à compléter vos émotions, vos traits de cœur qu'on traite et qui sont redonnés aux intervenants parce qu'ils ont pris du temps pour être avec vous et pour le partager. Voilà. Sinon, ben, maintenant, il y a quelqu'un qui est en piste là-haut. Il s'appelle Nicolas Clerc. Et il est dès l'origine, je crois même en grande partie à l'origine, avec d'autres bien sûr, du Treuil. Et il est agriculteur, donc il sait à peu près de quoi il parle quand il parle de l'eau. Et on a voulu lui faire conclure, parce que c'est un agriculteur qui, quand il parle, comprend qu'il n'est pas seul au monde. Et que le problème de l'eau, c'est un problème complexe. Et ce problème complexe, il veut l'aborder avec l'ensemble des participants parce qu'il faut que nous, on soit cohérents dans nos choix de consommation. À midi, vous savez, on n'a pas dû beaucoup manger de viande. Vous avez dû remarquer, non ? C'était bon quand même. Hein ? Voilà. C'est des choses comme ça qui font que les agriculteurs seront soutenus dans d'autres pratiques. Je lui laisse la parole parce qu'il a beaucoup plus de choses à dire que moi et légitime à les dire. Je vais être rapide, justement, parce qu'il faut, savoir conclure. Au vu de tous les échanges qu'on a eus, j'ai essayé de retenir une chose de chaque table ronde ou de chaque intervention. Ce qui est certain, c'est que moi, j'étais très sensible à l'intervention de l'ancien président de l'Aude sur le fait que c'est un chantier à très long terme auquel on s'attaque désormais. Ça va durer des décennies. Il ne s'agit pas de le résoudre ni aujourd'hui, ni dans l'année, ni dans la décennie. Et ce chantier, il va demander d'apprendre à se parler, d'avoir des élus ouverts qui vont devoir faire œuvre de beaucoup de diplomatie, parce que parfois, ils auront des mauvaises nouvelles à annoncer ou des choix difficiles à prendre. Et certains départements ont de l'avance sur d'autres et il va falloir qu'on y passe, nous aussi. Ce que j'ai retenu également, c'est que le rapport entre la société civile, on pourrait même dire l'opinion publique et les enjeux de l'eau, il y a deux façons de le considérer. On peut considérer que l'opinion publique est un frein, parce que l'opinion publique, c'est un petit peu les idées préconçues, c'est les préjugés, c'est l'immobilisme, le conservatisme. Ou bien on peut considérer, enfin, un frein face aux décisions éclairées que prennent nos élus, administrateurs et responsables de l'eau, qui eux ont mieux compris, parce qu'après tout, ils ont le temps et ils sont payés pour ça. Donc ils sont censés avoir un peu d'avance sur les citoyens. Ou bien on peut considérer à l'inverse que l'opinion publique, les citoyens, peuvent être le moteur du changement pour peut-être bousculer quelques digues, bousculer quelques lobbies, bousculer quelques intérêts particuliers pour arriver à faire vaincre l'intérêt général. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, que l'opinion publique soit un frein ou que l'opinion publique soit un moteur en puissance, dans tous les cas, il est intéressant que l'opinion publique soit éclairée, qu'il ait un regard éclairé sur la situation, sur les enjeux, sur ce qui se fait, sur les difficultés, sur les échecs aussi. Et donc, de ce point de vue-là, les citoyens, vous, nous, avons quelque chose à faire. Et si on y réfléchit bien, tout à l'heure, il y a un des élus qui avait tendance à dire il y a l'opinion publique et puis il y a les gens concernés. Et puis, en fait, si on tire la ficelle, on peut aussi se dire que si des concitoyens, on enlève les paysans parce qu'ils ont un rapport particulier à l'eau, si on enlève les élus qui ont aussi un rapport particulier à l'eau, si on enlève les pêcheurs qui ont un rapport particulier aux rivières, si on enlève ceux qui jouent au foot, qui bénéficient de terrains irrigués, si on enlève tous ceux qui ont des piscines, qui ont aussi un parti pris, si on enlève ceux qui font du canoë-kayak, à la fin, il ne reste plus personne, quoi. En fait, tout le monde est à la fois concerné et fait aussi partie de l'opinion publique. Et moi, j'ai beau être paysan irriguant, je suis aussi un citoyen, comme tout le monde, sur tous les autres sujets. Donc, vous êtes légitimes à vous occuper d'eau. Pour ce qui est de la partie purement agricole, je ne sais pas si ceux qui étaient là lors du premier forum ont pu relever le fait que les deux syndicats qui se sont exprimés l'ont fait avec un souci d'ouverture au langage, d'ouverture, d'explication. On n'a pas eu de position un petit peu arc-boutée qu'on peut entendre parfois dans la profession qui consiste à dire « laissez-nous faire, on sait ce qu'on a à faire. D'abord, nous, on a les pieds dans la boue, blablabla. On est ceux qui travaillent dur, on est ceux qui vous nourrissent. Laissez-nous faire. D'abord, on est prioritaire sur l'eau. » Vous avez entendu que, bon, ni moi forcément, ni même mon collègue de la FNSEA n'a eu ce langage-là. Lui, également, et je le remercie pour ça, a eu le souci de montrer que, de justifier leur positionnement, qui est différent d'une autre, mais qui a aussi ses arguments, de l'expliquer, et puis de considérer qu'il y a des choses à changer. C'est déjà un gros pas qui a été fait en 3 ans, parce que c'était pas le ton qui était utilisé il y a encore 3 ans. Donc on peut s'en féliciter. Le dernier atelier a montré qu'il y a encore un gros travail à faire sur leur regard sur les solutions. On a vu que, ils l'ont dit eux aussi, une solution, si elle est déployée à trop large échelle, devient un problème. On imagine plein de pistes de solutions, à travers par exemple des petites réserves collinaires un peu partout. Mais le boulot est encore à accomplir parce que, et là je donne des idées au collectif Partageau, moi j'aurais aimé avoir le chiffre des réserves collinaires actuelles dans la Loire qui ne remplissent pas à 100% tous les ans. En gros, est-ce que les réserves qu'on a sont super efficaces, elles remplissent toutes à 100%, ou est-ce qu'il y a 30% des réserves qui ne remplissent pas à 100%? Ensuite, on pourrait imaginer un travail sur est-ce que les meilleurs spots de réserves collinaires ont déjà été occupés, ce qui peut paraître un peu évident, enfin j'espère que c'est ça qui a été fait, ou est-ce qu'il y a encore des super endroits évidents qu'on n'a pas eu l'idée ou l'ingénierie ou la technicité pour les déployer. Et donc on voit que ça va être un chantier dans la durée. Les spécialistes sont dessus, mais les citoyens peuvent aussi s'y intéresser. Et j'aimerais finir là-dessus. Il faut bien comprendre que nous, les professionnels, les agriculteurs, on a nos logiques techniques, on a nos logiques économiques, et elles ne sont pas forcément connectées à l'intérêt général. Il y a des biais cognitifs qui font que ce que je déploie, moi, pour l'intérêt de ma ferme, n'est pas forcément dans l'intérêt de la collectivité. Et donc, si vous me laissez faire tout seul, sans être sous le regard des autres, faire sans vergogne, comme on dit, je vais peut-être être amené à faire des choses qui seront au désavantage de la collectivité. Par contre, s'il y a un regard un petit peu au-dessus de mon épaule, un regard citoyen sur mes pratiques, un regard qui va changer le rapport culturel à l'eau, des choses peuvent changer. Je vais vous donner cet exemple final. Il y a encore 30 ans, nos parents fumaient dans les voitures avec les enfants à l'arrière. On n'a pas eu besoin de loi pour l'interdire. Jamais un père de famille n'a eu une amende parce qu'il fumait dans la voiture. C'est juste devenu inacceptable. Ça a été vu défavorablement. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça ne se fait plus de fumer dans une voiture avec les enfants à l'arrière. On n'a pas eu besoin de gendarmes qui mettent des PV. C'était culturel. On pourrait imaginer que, culturellement, les paysans, imprégnés par leurs femmes, leurs enfants, leurs voisins, leurs amis, considèrent que avoir un champ de 500 mètres de long et de 500 mètres de large, c'est un peu trop grand. Avoir zéro haie, zéro arbre et zéro mare sur sa ferme, ça craint un peu. C'est pas glorieux. On pourrait imaginer que un paysan qui irrigue soit fier de dire « D'accord, Jirig, mais vous avez vu, j'ai des mares et tous les ans, au mois d'avril, je les remplis à bord pour qu'elles soient bien pleines pour les petits batraciens. » Et cette acceptation, cette justification de la pratique de l'irrigation pourrait permettre son acceptation par les citoyens et éviter cette guerre de l'eau qui, si on ne prend pas la précaution d'être dans une société civile, civile justement, risque d'arriver. Et les paysans, ils ont un faux sentiment de supériorité. En fait, on est très fragile, quoi. Si quelques écolos veulent détruire nos enrouleurs, en une nuit, tout est fait. Donc non, moi je veux que les citoyens acceptent nos pratiques, mais pour qu'ils les acceptent, il faut qu'elles soient acceptables. Voilà.